Oh mon frérot, tu me jalouses, tu me juges. Tu veux pas que je monte haut et quand je suis devant, tu me suces. Si je sais pas qui t'es, alors tu sais pas qui je suis. Moi, t'es devenu sans pitié, qu'est-ce que tu parles sur moi? Mon poteau, mon frérot, pourquoi tu fais tout ça? Ce n'est que des euros, mon cœur vaut bien plus que tout ça. Ah, je t'ai vu sur moi, tu doutais. Ah, tu ne l'emporteras pas sous terre. Ah, t'as cru que j'étais genouillé. C'est simplement que j'ai souffert. Je tourne en rond sans mon frérot. T'inquiète, on se reverra. J'ai encore ton numéro. Pourtant, tu n'es plus là. C'est chaud ce qui m'arrive, oh mon frérot. On m'a dit, c'est la if, pour moi, c'est trop. Mon frérot, tu parles de moi quand j'ai le dos tourné, oh mon frérot. Pourtant, on est ensemble toute la journée, oh mon frérot. Ce soir, je suis sous, j'arrive plus à tourner, mon frérot. Tu parles de moi toute la journée. Ton regard a changé, personne te reconnaît. Oh mon frérot, tu t'es retrouvé seul à zoner. Tes histoires on les connaît, tu sais prendre mais pas donner. Mon frérot t'as voté, qu'est-ce que t'attends pour te faire pardonner? J'ai vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Les pactages, le shit, les plannings au parloir. Et oui mon frérot, oh, j'arrivais plus à dormir le soir. Oh mon frérot, désolé si je m'écarte. Tu me connais sur la table, moi je pose toutes mes cartes. Sache que je t'aime, et ça, jusqu'à ce que je meure. Mon frérot, tu parles de moi quand j'ai le dos tourné, oh mon frérot. Pourtant on est ensemble toute la journée, oh mon frérot. Ce soir je suis sous, j'arrive plus à tourner, mon frérot. Tu parles de moi toute la journée, mon frérot. Tu parles de moi quand j'ai le dos tourné, oh mon frérot. Pourtant on est ensemble toute la journée, oh mon frérot. Ce soir je suis sous, j'arrive plus à tourner, mon frérot. Tu parles de moi toute la journée. Je n'ai pas changé, j'ai juste compris des choses. J'ai juste compris des choses. J'ai juste compris des choses. J'ai juste compris des choses.